fleurs, très bon. L'archette au doigt dans le calme des fleurs vaporeuses. Tiré de mourantes violes, de blancs sanglots d'argent glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser, fille de neige. J'irai donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli, quand, avec du soleil aux cheveux dans la lune avant le soir, tu m'es en riant apparu. Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté qui jadis, sur mes beaux sommeils d'enfant, passait, laissant toujours de ses mains mal fermées, neiger de blancs bouquets, d'étoiles parfumées. Il me faudra partir avant de voir l'hiver mourir.